valor cuando perdí y tú. Na, na, na, na, na. Mas agora pro meu azar, tu te entregaste a alguém. Parece tratar-te bem melhor que eu. Mas será que a letra leva a sério? Mas se tu lhe des amor como deixa pra mim, se cuidaste eu como cuidaste de mim, não, não tem como ele não se apaixonar. Se a reprova do teu beijo como eu provei, tocar no teu corpo como eu toquei, não, não, não tem como ele vai se apaixonar. Ai, eu sei, baby, eu já fui. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bonjour à toutes, voici donc, eh bien nous sommes déjà mardi, le dernier du mois. Et oui, ça passe aussi vite, tout simplement. Voilà donc, on n'y pense pas, tout cela, on y pense toujours à la musique, et tout simplement. J'espère que vous avez passé tout simplement un bon début de semaine et ainsi très bonne matinée. Voilà, je suis avec vous pendant toute l'après-midi avec beaucoup de chansons, tout simplement, et bien souvenirs. Voilà donc, et bien je vous laisse avec les chansons différentes et je vous laisse avec tout simplement et bien, des chansons qui s'appellent Bambou. Avec Alain Chamfort et puis juste après d'autres chansons différentes. Arc-en-ciel. merci donc, elle s'appelle France Gall avec la déclaration d'amour. Et puis, juste après, on écoutera tout simplement avec une des chanteuses, Sandra Kim. Love it. Voici donc Nikita avec Elton John. musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Maintenant que deviennent valses rivières. chagrin de môme dans les pages du grand monde. Maintenant, tu penses avec François Feldman, La valse de Vienne, et puis suivi de Jackie Quarks, tout simplement le titre, simplement La vie à l'amour, et puis juste après d'autres chansons différentes. On est s'achève, nous refusons le vide devant. On barre la peine de ces heures pleines que la vie conjugue au présent. Après le duo, tout simplement, début de soirée, jardin d'enfants. Voici donc Laura, Johnny Hallyday, puis juste après, UB40. Laura, You got a smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. The way you set me up a beat. You know you could have been a blue. And baby, so, so sweet. You know you could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you. Things you do. I like the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Good looks were made. You know you could have been an album. The way you stole my love, you know you could have been a clue. And baby, you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Things you do. I like the way you do the things you do. You make my life so neat. You know you could have been some money. And baby, you're so sweet. You know you could have been some money. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. I like the way you do the things you do. As pretty as you are. You know you could have been a flower. You could have looked for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my love. You could have been a fool. And baby, you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take the way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. The way you do the things you do. All right, the way you do the things you do. Voici donc Kim Log en duo avec José Donovan. Voici tout simplement un amachoum, le site de titre s'appelle C'est comme qu'on fait. Qu'on freine aussi. Et puis juste après, tout simplement avec Corinne Charby, juste après avec un des titres qu'on a connu, bien connu, avec Boule tout simplement de Flitter. Cascadeur sous pont stylate, cherche un circuit pour que je m'éclate. La cigare, je peux contrôler. Je nage dans le goulag, je rêve d'évasion. Thank you.

Arc-en-ciel. Voici donc qui s'appelle Alain Bachoum avec l'arrivée du tour. Et juste après, du rap. À genoux les majorettes, c'est le moisel au parloir. No delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream.

Arc-en-ciel. Voici donc Imagination avec Music and Light, et puis juste après Kim White, et tout simplement au titre You Can. dans un œuf libère. Sauter sur la piste, compter un, deux, trois. Les épaules qui se dévissent, va donc savoir pourquoi. Dans la leçon de flip ou flap, on bouge aussi les bras. On reste le bout, rejoint les genoux. Tous avec moi, ça veut dire adopter le même pas, c'est le flip, flap, libère, flap. Te laisser mon live, nous ferons danser tout comme moi. Flip-flap, c'est facile. Flip-flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flipper. Flip-flap, hey! Ça y est, maintenant tout le monde s'active. Se rejoignent devant. Et c'est étonnant quand tout le monde y arrive. Je suis super content de voir que les copains c'est la tendance. Tous avec moi, ça veut dire adopter le même pas, c'est le flip-flap. Flip-flap, on te laisse mon live, nous ferons danser tout comme moi. Flip-flap, c'est facile. Flip-flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flip-flap. Tous avec moi, ça veut dire adopter le même pas, c'est le flip-flap, flip-flap. Moi je laisse mon live, nous ferons danser tout comme moi. Flip-flap, mais c'est facile, flip-flap, d'avoir du style. On s'éclate, on danse le flip-flap, flip-flap. C'est facile, flip-flap, d'avoir du style. On s'éclate, on danse le flip-flap, flip-flap. C'est facile, flip-flap, d'avoir du style. On s'éclate, on danse le flip-flap, flip-flap. C'est facile. Arc-en-ciel. Voici donc Stéphanie Cher et sois patiente. Donne-moi tes mains, laisse-moi te regarder. Depuis que je n'écris plus des chansons d'amour, je n'arrive plus à trouver les mots qu'il faudrait. Avec moi, je voudrais que tu sois encore patiente avec moi. Est-ce que demain aussi beau qu'il paraît. Je n'ai pas l'habitude d'être avec toi, mais sois patiente avec moi. Oui, patiente avec moi. Je voudrais que tu sois encore patiente avec moi. Yeah. tais-moi, laisse-moi te regarder. Depuis que je n'écris plus de chansons d'amour, je n'arrive plus à trouver les mots qu'il faudrait. Encore une fois, sois patiente avec moi. Oui, patiente avec moi. Je voulais que tu sois patiente avec moi. Au milieu d'un feu. Gitano, gitano, gitano, gitano. Puede partirse el corazón. Lo que te dio es la verdad. Respetando la amistad. Gitano, gitano, gitano, gitano. Lejos de ti no está. Il aurait pu être un grand matador. Loro Vargaïda, c'est la mejor. Prendre une guitare, être musicien. Mon ciel c'est le sien, je suis comme lui, j'ai plus de pays, j'ai plus de maison, je n'ai plus de nom, c'est toi qui as raison, il y a plein d'horizons. Gitano, gitano, gitano, gitano. Un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Gitano, gitano, gitano, gitano. Que tu ne connais pas. Il a le cœur au portico. Primo, primo, tiens un montant. Gitano, gitano, gitano, gitano. Que je connais pour toi. Voici donc Roxy Musique et puis juste après Dayal Balawan tout simplement. Avec mon fils La Bataille. I could feel the Moi je la brancherai.

sacrifié à la mode d'une musique sans concession. Je savais depuis longtemps qu'il quitterait mon billard. Et si Paris me le prend, c'est que c'est vraiment une star. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Michel Sardou avec Rouge et puis suivi de Céline Dion. L'amour existe encore. Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée. Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Rouge, comme le sang de Rimbaud coulant sur un cahier. Comme la mer

Arc-en-ciel. Les meilleurs sons latinos. Simplement, il s'appelle Zonkov avec le titre L'ambiance c'est trop chic. Et puis juste après, Kenji Girac. Ce soir c'est trop chic. Avec son titre, tout simplement, eh bien, on le connaît, c'est Mon univers. Dímelo mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música la mía. Alguien y más se ven aquí a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. La de tu vida, le fuego. Et puis on vient pour faire le show. Si tu peux te comprendre, suis-moi dans mon lit. Si tu engages ta vie, tes rêves et tes prières. Du côté de Tahiti avec King V. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter. Ne vous cachez pas. Je suis le commandant King V. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'irai ma meilleure vie. Money.

Arc-en-Ciel. Voici donc Ma Baker avec Bohème et puis juste après Express, pareil le titre Express. Down, down. years of trip. Countdown is progressing. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Come on! le zouk tropical, voici donc Yamana avec Tout autour de moi. Et puis juste après, Les Corons avec Pierre Bachelet. Il était fier de moi, il était généreux,